Ça ne l'intéresse pas de devenir une star. Elle est bien mieux loin de Projo et de tout ce bazar. Un metteur en scène voyait en elle la nouvelle Girardot. Le dimanche pour payer sa psy, elle lave des carreaux. Figurante éblouissante, les réalisateurs la repéraient. Mais elle a renoncé aux essais pour Claude sauter. L'osier n'a même pas essayé de la foutre dans son pieu. Au montage de Mon père, ce héros, ils ont coupé sa scène avec Depardieu. Ça ne l'intéresse pas, les mecs comme ça. Ça ne l'intéresse pas, les mecs comme ça. Louise a eu un prince charmant qui la cognait un peu. Depuis ce Pablo aux fesses, elle n'a plus le feu. 20 ans d'un grand amour et tout à coup plus rien. Il est parti avec une riche blonde et ses gros seins. Elle préfère rester seule plutôt que de se traîner un type immature. Ses jours de colère, elle prétend que tous les hommes sont des pourritures. Tous ceux qui lui couraient après sont sous nain butal. Il lui est impossible de se dégoter un mec normal. Ça ne l'intéresse pas, les mecs comme ça. Ne l'intéresse pas, les mecs comme ça. Elle en a connu pas mal dans ce genre-là. Un situationniste qui invectivait les spectateurs au cinéma. Les traitant de veaux gavés, il avait des problèmes d'érection. Un autre hyper beau retrouva sa femme après une dernière gratification. Louise est tombée super amoureuse d'un chirurgien dentiste. Il était bien trop large pour tromper sa femme socialiste. Une histoire vraiment trop platonique et plus que pathétique. Elle s'est réveillée 2 ans plus tard vidée et apathique. Ça ne l'intéresse pas, les mecs comme ça. Ça ne l'intéresse pas, les mecs comme ça. Sur le divan, elle s'est allongée. Elle a parlé de sa victime de mère et de son père charcutier. Ça lui a coûté un max pour piger qu'elle n'aimait que les tarés, les schizos, les boulets qui veulent la retourner. Quand elle est seule assise à se ronger les ongles dans un restaurant, les yeux sur l'horloge tout le temps, c'est stressant, elle avale un tertian. Bertrand n'est pas très ponctuel, depuis 2 heures elle l'attend. Manger un lapin dans un resto indien, c'est pas vraiment marrant. Ça ne l'intéresse pas, les mecs comme ça. Ne l'intéresse pas, les mecs comme ça. Christian voudrait la faire tourner dans un petit court-métrage. Il lui propose un appart à 2 pas de la plage. Il est prêt à s'endetter afin de pouvoir se l'envoyer. Louise dit non, après il n'aura plus un rond, elle sera obligée de l'assister. Franchement, pour qu'il se prenne, parfois elle se sent crétine. Comment ose-t-il se détourner chaque fois qu'elle joue sa Marilyn? Un de ses admirateurs lui a affirmé, c'est pas parce qu'il l'aime. Ceux qui ne s'intéressent pas à elle ont toujours des problèmes. Ça ne l'intéresse pas, les mecs comme ça. Ça ne l'intéresse pas, les mecs comme ça. Ça ne l'intéresse pas, les mecs comme ça. Ça ne l'intéresse pas, les mecs comme ça.